des locataires, proposons tous nos revendications. S'il faut, nous les imposerons, mais aujourd'hui, ne nous laissons plus faire. À la cloche de bois, vous parlez des luttes pour l'accès au logement pour toutes et tous. Et en soutien en lieu de vie alternatif et autonome, avec ou sans papier, à Bruxelles et ailleurs. Une fois par mois sur les ondes de Radio Air Libre, Radio Panique et Radio Campus. Chers auditeurs, chères auditrices, coucou. On est très contents de vous accueillir à ce 10e épisode de l'émission à la cloche de bois. Alors 10 épisodes, ça veut dire 10 mois, ça veut dire, je pensais à ça tantôt quand j'ai pris le trajet jusqu'ici, ça veut dire qu'en fait on a pris le trajet quand il faisait déjà nuit, on a pris le trajet pendant le couvre-feu, on a pris le trajet maintenant que les gens ils commencent à peine à sortir, et voilà, on est là. Et aussi pendant ces 10 épisodes, notre équipe s'est agrandie, et donc voilà, on souhaite la bienvenue à Mathieu, on est trop contents qu'il est là. Bonjour Mathieu. Salut, salut. Et bonjour les autres. Coucou. Alors, donc, on va aujourd'hui aborder les actualités sur le logement, les squats et les occupations. Puis, il y aura une interview avec un anarchiste de Hambourg, en Allemagne, qui va nous parler des luttes contre la gentrification là-bas. Après, on va parler d'un témoignage d'une locataire qui a récemment été expulsée de son logement à Bruxelles. Et on va terminer l'émission avec la question relative aux limites des squattereuses pour gérer des demandes d'hébergement d'urgence. Et le tout sera pimenté de fulgurances sonores du squat B118 La Clé. Alors, vous pouvez nous écouter partout dans le monde, en streaming aussi sur le site web https, voilà, radioairlibre.net. Et c'est aussi rediffusé sur Campus, Panique, etc. Et il y a les podcasts de l'émission À la cloche de bois que vous pouvez trouver sur notre site web alaclochedebois.noblogs.org. Aussi, on vous demande, si vous avez des choses à nous partager, de nous envoyer un petit mail à lacloche de bois@riseup.net. Voilà, on va lancer l'émission. Bienvenue. Coucou, c'est Jeannot pour les dixièmes news de la cloche de bois. On est en été, il est censé faire beau, il est censé faire chaud. Ici, à Bruxelles, ce n'est pas le cas. J'espère que c'est le cas chez vous si vous nous écoutez de très loin. Et donc, qui dit vacances, dit dépaysement. Alors, on va parler d'un squat, mais un squat pas comme les autres. On va prendre la direction de la Libye. Eh oui, l'ancien QG de Kadhafi est squatté par des dizaines de familles. Tombé en ruine après la chute du régime de Kadhafi en 2011, l'ancien quartier général du dictateur libyen est squatté par des dizaines de familles, devenant le symbole de la crise de logement qui affecte Tripoli. Surmonté de citernes d'eau et d'antennes paraboliques, l'épaisse clôture métallique qui protège ce camp de Bab al-Aziza, l'ancien complexe fortifié de Kadhafi, semble interminable. Devant la porte d'entrée, des voitures vont et viennent, tandis qu'à l'intérieur, des jeunes libyens tapent dans un ballon. Rasé par les bombardements de l'OTAN en 2011, puis vandalisé par les rebelles, l'ancien QG est en grande partie en ruine. Mais toute une zone de l'enceinte a été transformée en véritable quartier résidentiel par des familles alors sans logement. Elles vivent dans des dizaines de maisonnettes naguère occupées par des soldats ainsi que les villas d'anciens hauts gradés, construisant parfois de manière rudimentaire des garages et d'autres bâtiments. En tout, des centaines de Libyens sont venus vivre après la révolution dans cette zone, auparavant réservée aux militaires. Lui-même, c'est Bachir qui nous dit ça, lui-même vit depuis 2012 dans une maison de 400 mètres carrés, excusez du peu, qu'il a restaurée. Il dit qu'il ne se plaint pas, bon ok, mais ça lui a quand même coûté cher. La maison avait brûlé et ça lui a pris un an pour la rénover. ancienne résidence personnelle de Kadhafi et QG de l'ancien régime, l'enceinte érigée au début des années 1980 et renforcée après le bombardement américain de 1986 s'étend sur 6 km. Située dans la banlieue sud-ouest de Tripoli, elle comprenait un zoo, une piscine, une caserne et même des tentes, Kadhafi ayant toujours assuré suivre le mode de vie bédouin. La forteresse comportait également aussi des tunnels qui permettaient à Kadhafi de se déplacer discrètement à travers la ville. Après la chute du régime, les autorités ont songé à la reconvertir en zone verte, en parc d'attractions ou encore en monument à la mémoire des martyrs. Mais le bordel politique qui a suivi a enrayé tout le projet. Les familles qui y sont installées vivent sous la menace d'une expulsion, alors qu'à Tripoli, les pelleteuses rasent les constructions qui ont fleuri au fil des années. Selon les informations obtenues, les autorités envisagent désormais de transformer l'ancien QG en lieu de promenade. Ça ne plaît pas à tout le monde. Hassan dit clairement, fortement, « je ne partirai pas », dont le prénom a été volontairement changé, et il précise que l'équivalent de 27 000 euros ont été investis dans la maison qu'il occupe actuellement, et que c'est donc pour ça qu'il ne partira pas. Il précise qu'elle était dans un état lamentable, sans porte ni fenêtre, et qu'il s'y est installé quand Kadhafi était encore vivant, peu avant sa capture. 10 ans après la traque du dictateur dans son fief de Sirte, au nord-centre de la Libye, en octobre 2011, la situation politique du pays reste instable, après des années de violence et d'affrontements entre factions ennemies. Le quotidien des Libyens reste marqué par d'importantes pénuries de liquidités, d'essence, d'électricité, auxquelles s'ajoute une crise de logement. Avec un salaire minimum qui varie entre 450 et 600 dinars, ce qui correspond à peu près à 75 à 100 euros, pour les fonctionnaires et un secteur bancaire à la traîne, il est très difficile d'obtenir un prêt immobilier. Les logements sont rares, les chantiers à l'arrêt et les prix ont flambé. Avant la révolution, se loger était possible. Il y avait moins de monde à Tripoli. Aujourd'hui, un petit appartement coûte autour de 400 000 dinars, 75 000 euros. Vous aurez tous compris que vu la situation dans le pays, c'est très difficile pour les Libyens de se trouver un logement. Alors, en plus, il y a une croissance démographique qui est couplée à la pression sur les grandes villes en raison des déplacements dus au combat. Il est donc devenu quasiment impossible de trouver un logement décent. Les affrontements autour de la capitale et les violences sanglantes dans l'Est ont mis sous pression Tripoli, qui a vu affluer des dizaines de milliers de familles affectées par la guerre. Les prix des loyers ont plus que doublé en 10 ans, constate un agent immobilier à Tripoli. Mais tout ça me fait dire une petite chose. En ce jour où en France on chante « Allons enfants de la patrie », nous on va dire « Allons enfants de l'anarchie », notre jour de gloire arrivera sans doute un jour et le drapeau noir va se lever. Donc par rapport à ça, que les tyrans qui nous gouvernent n'oublient jamais que l'histoire est faite de rebondissements et qu'un jour, nous aussi, peut-être, on squattera à l'Élysée ou au Palais Royal. Alors, on vous avait parlé dans la dernière émission du Copy, un squat à Berlin. Alors, ça remue pas mal parce que le Copy avait des menaces d'expulsion qui, selon nos dernières infos, qui restent encore à vérifier, mais elles sont difficiles à obtenir, n'auraient toujours pas été expulsées. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire la semaine dernière, plusieurs véhicules ont été incendiés dans le quartier de Marzahn. Selon des informations du Tagesspiegel, il s'agit d'une voiture de la société d'ingénierie du consultant en protection incendie, agissant également sur ordre du propriétaire de la Rigard 94, qui est aussi un squat qui est menacé d'expulsion comme le Copy. La police enquête à présent pour déterminer si l'attaque a à voir avec l'inspection de sécurité incendie de la Rigard 94 qui était prévue jeudi. Vers 14h25, un témoin a alerté la police. Une vieille affiche d'Alternative Libertaire disait « C'est moins du bruit des bottes qu'il faut craindre que le silence des pantoufles avec quelqu'un assis derrière son carreau qui est en train d'épiller son voisin et de le balancer à la police. » Donc je vois que les sales vieilles méthodes n'ont toujours pas changé. Il aurait vu 7 à 8 personnes cagoulées et juste après, les 7 voitures de l'entreprise partir en flammes. Bon, ils n'ont jamais entendu parler d'autocombustion spontanée. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il y avait des jeunes ou des moins jeunes cagoulés à côté que forcément, c'est pour ça que les voitures ont brûlé. Les inconnus auraient ensuite pris la fuite en vélo. Ben c'est bien, c'est écolo. Le responsable de l'intérieur du SPD, Tom Schreiber, a affirmé que l'attaque serait une tentative de plus pour faire taire et intimider des gens avec des délits et des actes violents. C'est une stratégie perfide, oulala, présente aussi dans l'extrémisme de gauche, oulala. La question Et d'ailleurs, poser de savoir si les autres, comment les auteurs savaient que cet expert travaille pour les propriétaires du Rigard 94, parce que son identité avait été cachée, et ce, depuis longtemps. Alors, après Tripoli, après Berlin, on en revient, après ces infos tout feu tout flamme, vers Bruxelles avec une question. Où va s'arrêter l'indignité des politiques publiques en matière de logement ? Une carte blanche des membres du fonds anti-expulsion, dans le Vif l'Express, dénonce le fait qu'à peine le gouvernement bruxellois met-il fin au moratoire que les expulsions reprennent, tout en ayant fait grand bruit des mesures de mise à disposition de chambres d'hôtel pour les personnes sans-abri. On savait que les politiciens étaient des dickeneck, comme on dit à Bruxelles, experts de l'embrouille et de la magouille, peu avares de se féliciter de tout et de son contraire. Et s'il y a une chose dont le gouvernement bruxellois s'est bien vanté récemment en matière de logement, c'est d'avoir mis à disposition des chambres d'hôtel pour des personnes sans-abri. Plus de 900 places au début de l'année 2021. On était encore en confinement, c'était l'hiver, il faisait froid. La population bruxelloise était protégée des expulsions par un moratoire, même si on dénombrait déjà 5 400 personnes sans domicile fixe dans la ville de Bruxelles. Depuis le début du mois de mai, on fête la relance de tout et n'importe quoi, même la relance des expulsions. Et en effet, à peine le gouvernement bruxellois met-il fin au moratoire que les expulsions reprennent. Cela fait des mois qu'avec une décision de justice favorable sous le bras, les propriétaires et huissiers trépignent d'impatience dans l'attente de ce moment. Ça y est. Et voilà que dans le même temps, le gouvernement réduit le nombre de places dans les hôtels. Un plus grand nombre de personnes dehors et toujours moins de places pour les loger. Là-dessus, le silence politique et médiatique est assourdissant. Certes, on a pu lire dans un article daté du 1er juin que 200 sans-abri quittaient les hôtels bruxellois qui les hébergeaient. Vous noterez l'euphémisme qui cache une réalité bien plus sordide. Dans cette histoire, la personne sans-abri n'est pas le sujet agissant. Il ne quitte rien du tout. C'est le gouvernement qui, par voie de conséquence, les jette littéralement à la rue. Aujourd'hui, il y a à peine plus de 400 places restantes dans les hôtels. Et à partir du 1er juillet, il en restera moins de 200 sur les 900 qui étaient comptabilisés au début de l'année. Où vivent désormais les occupants des 500 chambres fermées aux personnes sans-abri ? Où vivront les 200 autres qui en seront expulsés à la fin du mois ? Pas de réponse. En tant que collectif d'habitants, le Front anti-expulsion tente d'organiser une autodéfense face aux expulsions domiciliaires. Le Front anti-expulsion n'a pas d'autres ressources que l'énergie des personnes qui s'y rejoignent et cherchent à s'entraider. Il se trouve que depuis quelques mois, et à un rythme de plus en plus soutenu, le Front anti-expulsion est contacté par des personnes dans des situations parfois terrifiantes. Il y a par exemple cette mère et ses deux enfants de 11 ans, expulsés au début du mois de juin, sans solution de relogement, avant même la fin de l'année scolaire. Ou bien, ces deux personnes assez âgées qui ont survécu à une menace permanente d'expulsion pendant un an, alors que le gouvernement ne daignait pas prolonger le moratoire autrement que par des coups à coups. Des personnes qui auraient grand besoin d'une aide sociale et psychologique, et qui au lieu de cela se voient expulsées. Ce sont encore à travers la ville des habitantes harcelées par les propriétaires des lieux qui les elles occupent, alors que leur logement est interdit. Des travailleurs et des travailleuses sans papier, qui occupent avec leurs enfants scolarisés des lieux laissés vides par de riches propriétaires, menacés d'expulsion en permanence. Ce sont des étudiants qui n'ont pas les moyens de payer un loyer et qui occupent des appartements vides, quitte à devoir déménager tous les 6 mois pour éviter les poursuites. Tout cela se passe quotidiennement à Bruxelles. Et ce ne sont là que quelques histoires parmi celles qui nous parviennent. L'essentiel de ces témoignages est parfois écouté et entendu, raconté et transmis par des travailleurs et des travailleuses sociales qui n'ont ni temps ni moyens à la hauteur de la situation. Devant cette impasse, l'épuisement et la perte de sens ne trouvent d'autres exécutoires que les congés maladie à répétition, le burn-out ou la démission. À plusieurs reprises, des travailleurs et travailleuses du CPS ont contacté le Front anti-expulsion pour imaginer des solutions, demander de l'aide pour des personnes qui viennent les voir. Qu'est-ce que cela raconte ? Que les CPS ne parviennent pas à venir en soutien à la population la plus précaire face à l'immensité du problème du logement à Bruxelles. Et selon les communes, ne se donnent pas les outils pratiques pour y faire face. Le Front compte aussi des travailleurs et travailleuses sociales, employés dans des structures associatives plus ou moins subsidiées. À toutes, on demande l'impossible. Trouver une place pour permettre aux personnes expulsées de se reloger. Sauf que la place, eh bien, il n'y en a plus. En tout cas, pas pour ces gens-là. Et c'est pour des raisons bien précises. Le fonctionnement du marché du logement, des propriétaires parfois racistes qui refusent les allocataires des CPS, refusent des personnes seules, avec des petits revenus, et qui entendent bien, pour nombre d'entre eux, profiter de la hausse des prix du loyer devenue exorbitante à Bruxelles. Mais c'est aussi parce que le gouvernement bruxellois, la région, les communes ont choisi de faire place nette pour privilégier des projets menés par de gros promoteurs immobiliers. Avec pour conséquence les prix qui flambent et toute une partie de la population qui est priée de guérir. Nous allons résumer. Des responsables politiques ferment les hôtels. D'autres accordent des permis de construire aux promoteurs immobiliers. D'autres, enfin, se refusent depuis des années à mettre en place une politique ambitieuse de logement social. Des réquisitions de logements vides et de gel, voire de baisse des loyers. À quand une politique qui prenne au sérieux le droit au logement et qui se donne les moyens de contrôler l'évolution des loyers? Au lieu de cela, le gouvernement s'en remet aux services sociaux pour réparer la casse, avec des bouts de ficelle. Alors soit les personnes que cette ville écrase et expulse se pendent avec, soit on s'en sert pour tisser des liens qui nous permettront de résister à la déshumanisation en cours, en renversant l'ordre des choses et la table qui va avec. Si nous ne sommes pas laissés étouffés par la gestion catastrophique de cette crise sanitaire, ce n'est pas pour accepter qu'on écrase et qu'on expulse toujours plus, mais bien pour réapprendre à cohabiter en refusant la honte et l'indignité de ce monde et de ceux qui le dirigent. Nous entendons habiter à Bruxelles en y tissant des liens de solidarité que d'autres tentent de détruire. Pour continuer sous la thématique, vous qui déambulez dans Bruxelles comme moi, vous avez peut-être été surpris par le jeune âge d'une personne sans abri croisée au hasard d'un déplacement. C'est la partie émergée de l'iceberg, puisque toute la grande majorité des jeunes en errance, portent une cape d'invisibilité. Et ici, ce n'est pas un film d'Harry Potter. Passant souvent sous les radars, les acteurs de terrain, eux, les connaissent bien et s'inquiètent de leur nombre croissant. Lors du dernier dénombrement, réalisé par Bruxelles Help à l'automne dernier en région bruxelloise, 933 mineurs étaient logés dans les centres, des squats, etc. Alors qu'ils étaient 612, seulement 612, en 2018. Vous voyez un petit peu la hausse inquiétante qui a été aggravée par la pandémie de Covid, qui a exacerbé les injustices et les situations préexistantes. Même si nous sommes en droit d'émettre un avis mitigé sur l'institution qui est l'école, un lieu de socialisation majeur pour ces jeunes, c'est quand même une vérité. Les établissements scolaires ont été fermés à plusieurs reprises depuis le début de l'épidémie et les plus fragiles qui y trouvaient un cadre sécurisant l'ont perdu. Les deux tiers de ces mineurs étaient des jeunes enfants qui accompagnaient leur famille ou leur mère dans la grande majorité des cas, les tiers restant des adolescents. Les mineurs étrangers non accompagnés représentaient eux 5%. En 2018, ils étaient 1635 jeunes adultes de 18 à 26 ans à avoir été hébergés au SAMU social de Bruxelles. Sous les radars, ces chiffres ne constituent qu'une partie de la réalité, analyse le directeur de Bruxelles Help, François Bertrand. L'offre à Bruxelles influence ces résultats. La plupart des associations et des organismes d'aide hébergent en effet des familles. Une série de jeunes passent donc à côté du dénombrement parce qu'ils sont isolés, très mobiles. Ils passent d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre. Sont hébergés chez des copains ou des membres de la famille, vont dans des structures d'accueil pour une nuit ou pour deux, passent d'une structure à l'autre, leur nombre est par conséquent très difficile à évaluer précisément. Une certitude pour le directeur de Bruxelles Help, ils sont plus nombreux avec le coronavirus. La pandémie a apporté de nouveaux publics inconnus de nos services. Les histoires des jeunes en errance sont différentes, mais elles représentent toutes un point commun. Ils ou elles ont connu des ruptures familiales ou institutionnelles. Ont fugué ou ont été exclus parfois très jeunes, par exemple de l'école. 3651 expulsions en Fédération Wallonie-Bruxelles au cours de l'année scolaire 2018-2019, dont 1484 refus de réinscription en fin d'année scolaire. Leur vie est balisée par des décrochages qui les rendent fragiles. Les moments de transition, comme le passage à la majorité, sont difficiles. Et les associations de terrain constatent que, dans les situations les plus dramatiques, ces jeunes se retrouvent à la rue et risquent de tomber dans l'alcool et les drogues. Comme s'il fallait ajouter une épaisseur de gris à la grisaille, les jeunes LGBTQI+, sont encore plus fragiles et plus exposés à l'errance en raison de leur orientation sexuelle. La région bruxelloise n'est pas la seule concernée par le phénomène. D'autres villes également, qu'elles soient grandes ou petites. La migration est plus présente à Bruxelles, même si toutes les villes y sont confrontées et tentent d'y remédier, précise Fanny Laurent, chargée du travail communautaire à l'ASBM Macadam, un nouveau centre d'accueil pour les jeunes SDF logés à Anderlecht. Les réalités sont proches, même s'il y a quelques différences territoriales. Les ruptures vécues par ces jeunes sont évitables, selon Fanny Laurent. Elles sont liées à des situations qui ne sont pas prises en considération suffisamment tôt, avec suffisamment de moyens humains ou financiers. Il faut une vraie volonté politique pour mettre en œuvre cette prévention. Les nombreuses recommandations approuvées vendredi dernier par le Parlement francophone sont l'aboutissement d'un long travail et d'un point de départ. Les députés, je ne vais pas les citer, on en a marre, qui ont travaillé pour ce projet, ont coécrit un rapport de 191 pages sur les jeunes en errance. Encore une fois, et on en reparlera certainement dans cette émission, voire dans les émissions d'après, on espère que, comme je le disais au début de mon intervention, eh bien tout ça ne restera pas lettre morte et que, par rapport à toutes ces belles 191 pages écrites sur les jeunes en errance, il y a quelque chose de bien qui adviendra de tout ça. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, parce que vous êtes peut-être en train de boire un petit verre entre copains, et qu'il y a encore plein de choses à dire dans cette émission, et que vous profitez du beau temps sur Bruxelles, c'est-à-dire de la pluie, de la pluie, de la pluie, et encore de la pluie. Eh bien, je vous embrasse toutes et tous, et je vous dis d'ores et déjà à dans un mois, pour la 11e émission de La Cloche de Bois. Et on s'écoute la sédition de Debeldeneck et Mystique dans la BO de Ma Cité va craquer, et puis on continue... À la cloche de bois, c'est parti, la sédition. Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes. Traînons plus bas que terre, ceux qui nous l'ont déjà fait. Rendre le mal par le mal n'est pas bon en effet. Mais la rage et la frustration empêchent à la réflexion. Est-ce Dieu ou le diable qui guide toutes nos actions? Sache que derrière nous il y a Beauval ainsi que les Lilettes. Tous les départements du 01 au 77, accompagnés de 10 à côté de Mystique réagissent. Notre tendance à l'extrémisme poussée par le lustre de la justice. Strictement hardcore, la jeunesse est désespérée. Elle est hardcore et rien ne pourra l'arrêter. Quoi qu'il arrive, nous saurons aussi nous défendre. Car tu ne te doutes que tout vient à bois à qui c'est à tort. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Passons à l'action. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. L'explosion de toutes les cités approche. D'abord des gens fâchés qui n'ont pas la langue dans la poche. Faisant partie d'un parti d'avant-garde guidé par deux principes visant à renverser la société. Juste pour le plaisir, je répète, ma cité va craquer. Une révolution complète. Je prends plaisir au vacarme, au fracas des vitres quand tout crame. Les cris des jeunes deviennent des arts, qui des arts. Das Bougar, relève le gant. Quand tu le faut, deviens brigand. Cramer le système est mon slogan. Le chétan fusionne avec les deux. On additionne les forces pour faire face à la menace de l'état bourgeois. La lutte des classes dans la masse, tu sens l'angoisse. Trop très vite, petit poulet. Trace le chacal de Beauval à la vie de ta face. Il faut lutter, affûter pour faire chuter le pouvoir. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Passons à l'action. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Z liqueur, ma milice est en sueur. Force est de bouger sur le but indiqué par ailleurs. J'ai fleur, une folie meurtrière. Jusqu'à ce que Babylone prenne peur. Pas peur d'y perdre la peau, prêt pour dérailler les inspecteurs. Regarde en droit devant moi, élaborant mon phrasé de guerre. Préparez le cimetière, mais l'enculera en enfer. Ouvre la porte de la guerre civile et rentre avec fierté. Car les droits de l'homme sont laissés à la porte d'entrée à jamais. Sachez que ma rage est loin d'être passagère. Face au commando numéro 3, explique ce que tu comptes faire. Car lorsque des chiens mordent mes frères, ces derniers sont en droit de les abattre. Donc je check la muselière. Celui qui s'en tire n'est pas le flambeur, mais celui qui a des tripes. Donc pour une fois, soyons à la hauteur de nos lyrics. Du 100 à 300% pour Géchant la vision du champ. Dorénavant et dès maintenant, à toi de choisir la ton camp. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Passons à l'action. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Attendez, la sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Passons à l'action. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Passons à l'action. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Vous êtes toujours à la cloche de bois et on s'écoute le sujet sur Rambourg et la gentrification. So I have a friend over from Hamburg, and seeing that the housing situation and struggles which are happening here are also present in Hamburg, I decided to ask a few questions to him about this. So what is the situation in Hamburg? The situation in Hamburg is probably comparable to a lot of other situations in the European context. You have a crazy rise of rents already since quite a time. But which is relevant in Hamburg especially is that you have certain neighborhoods that are traditionally more like low rent. There you have also like really politically pushed, like from the side of the government, a development of demolishing old houses, trying to get people out and building new houses. And this is a thing that is pretty pretty special in Hamburg, I think, because you have this. The city is built basically around the neighborhood, which is around the harbor, and the rents there rise increasingly. And there's because these are the neighborhoods where you also have quite a strong social movement for quite some years already. You have quite a wide social dynamic of struggle against these kind of tendencies. And also there's other neighborhoods that are more like traditionally working class, poor people, migrant people living there. Obviously, we have these dynamics of gentrification that you find everywhere else, that people who used to live in the more center part of the city are also being pushed out, like students, white workers, and so on, who could afford living more like in the city are being also kind of pushed to these other neighborhoods, which also sparks then dynamics of gentrification in these kind of neighborhoods. And what is struggles that are happening now against this gentrification? Like what is a conflictuality that is happening that has been happening in Hamburg before or still now? I think on one hand you have for more like a leftist, more like pretty diverse social movement, you have a lot of projects of self-organization in neighborhoods. Where there are like things being done, like support on a bureaucratic level, and also tries to defend people against raids and all this, because this is also happening quite a lot in Germany, that people are being thrown out of their flats because they can't afford the rent anymore. So these small initiatives of neighborhood solidarity you have in different neighborhoods, and some of them are also pretty old already and are definitely a point of reference for neighbors and people in the neighborhood to come. Then you have a really big social movement against gentrification, which is tending to be more and more reformist, because for example in Berlin you had these struggles that made it to put the law against high rents, which was also connected to a social movement, and some people from like more this leftist movement are kind of inspired by this, and it's turning more and more reformist. But on the other hand, you quite constantly have a presence of attack and radical critique in this kind of context. And depending on the situation, like of struggle and the situation of the social dynamics around this, you also have situations where it's clear that that the more offensive parts of the struggle definitely strengthen the position of other parts of the struggle. Where there's, for example, visible that neighborhood self-organization has a little bit more of a strong stand, because for example there's a series of attacks against the housing company that they're being fighting against. So these kind of interlinks you also do have, even though obviously there's different perspectives on this. Yeah. And about this housing company, what are they doing? The housing company where there is a lot of struggle around right now is Vonovia. It's, meanwhile, they're the biggest housing company in Germany. They're coming from Sweden and they are doing basically everything that has to do with housing. They buy old houses, renovate them, rent them really expensively. They demolish old houses, build new ones, both like rental and real estate. And they're pretty famous for treating the people who rent flats from them super shitty. So in quite a lot of city, there's quite a lot of cities, there's self-organized neighborhood things going on only for people who are affected by Vonovia, because in some neighborhoods they're really like basically owning the neighborhood. And also because of this, there's quite a constant series of attacks against them, because they just have a lot of stuff standing around and they have a lot of offices. And so they were in the last years, I think, one of the most attacked housing companies in Germany, which they were really sad about. But yeah. And you said something about like how these attacks also are strengthening the position, or kind of, I could understand it like empowering the position of the people who are self-organizing. What are they doing? Like you talked about self-organization against raids, against the effect of being put out of your house. There's also like a self-organization being since 1 year here in Brussels, and it might be also inspiring for them to hear like what the people are doing there in Hamburg. Mm-hmm. The idea is probably the same here, that you don't take so much the position of an like expert institution, but you more try to put together knowledge and skill and resources and to form more like relationships instead of like being in the position of somewhat of a lawyer or a social worker or something. This is also something that is pretty much the core idea of all these initiatives that I know in Hamburg and also in other cities around. Which works kind of okay, because people, I don't know, find it quite logic that one can just help one another. And if you, and I did make the experience that people don't find it so strange that you just come around and say, hi, I have this and this problem, and then one helps each other. But people are being recognized and don't have the feeling of going to someone that is an institution and where there is a hierarchy or something in the way you approach each other. And comrades definitely told me that they have made the experience that once there is also like a visibility of active struggle against certain housing companies, people take these self-organized initiatives a little more serious, because they have the feeling, okay, there's a wider social dynamic against it. It might even make sense to go to struggle against my individual situation. I don't know if they want to cancel your contract or make your rent higher or whatever, because they feel, okay, there's a certain hostility against this certain housing company, and I'm just not alone with it, you know, even if they maybe not necessarily say, yeah, I'm super in favor of burning cars, but the existence of many forms of struggle obviously seems to spark a certain sense of relevance in people or something. Super, yeah. Inspiring. Thank you. Brother, stay lit, yeah? Lost in translation. Came to tell you that the streets don't like you, and people like you we gon' fight too. I mean, we fight to get our right too. So let's get right to the core, the core, the core. Niggas getting shot at the store, trying to get a shot at the store. It's a plot going on, brother, get your chakras informed. Cause there ain't no love in the heart of this city. Especially with melanin, oh, Lord, with a pity. The dream done turned into a nightmare. Fuck a fight fair, we need this elevation right now. Like stairs, like squares, I stay connected with the corners. Born a fauna, so it's harder for ya. They formed a warrior. I got a lot of Asada inside of me. Revolutionary war has got to be the policy. No apologies for treating us like colonies. You probably dream of shopping streets. We writing our biographies. Ride on, ride on, yeah. Ride on, ride on. Who the master, who the slave? Ride on, ride on, yeah. Ride on, ride on. Read a chapter every day. Ride on, ride on. Say, ride on, ride on. What's the answer to the pain? Ride on, ride on. Say, ride on, ride on. Yeah. Second verse is really earnest. Burn the curtain. People clowning us like circus, and we don't earn shit. Means we don't have nothing to lose but the shackles that is used on you by dudes and suits. We maroons. Fuck the Marines, they shall be doomed. RBG flag flying in the air, they call me coon. I may be goon, maybe criminal, make it become subliminal. Rise and turn the lies, we winning though. Juby, Huey P, or maybe Angela. Organizing on the campus like the Panthers was. In the wilderness of Western Europe, the only black cat in my effing yearbook, Dr. Carter Woodson. Ride on, ride on, yo. Ride on, ride on. Who the master, who the slave? Ride on, ride on, yeah. Ride on, ride on, be the chapter every day. Ride on, ride on, yo. Ride on, ride on, what's the answer to the pain? Ride on, ride on, yeah. Ride on, ride on, yeah. Ride on, ride on, yo. Ride on, ride on, ride on, ride on, yeah. Ride on, ride on, ride on, ride on, yo. Ride on, ride on. Ça, c'était Juju Rogers et Blue Stibe avec Ride On. Et donc ça, c'est un rappeur qui est américano-allemand. Voilà, donc c'est une chanson qui a été choisie par la personne qui y a parlé. Alors, une petite traduction quand même pour les personnes qui n'ont pas tout compris en anglais. Donc en fait, il parle d'une situation particulière comme générale à Hambourg, une hausse des loyers... Où certains quartiers, ils font, y a énormément de démolitions de maisons, de personnes qui sont expulsées, donc vraiment les dynamiques de gentrification qui sont en hausse. Et tout ça, ça se passe dans une région où il y a un mouvement social, où il y a des luttes, où il y a des personnes qui sont liées aux luttes qui habitent là, mais aussi une population ouvrière et migrante. Et donc, il parle un peu du mouvement social de gauche où il y a pas mal d'auto-organisations qui sont dans les quartiers où en fait on fait un soutien avec toute la bureaucratie que les gens ils sont imposés à devoir suivre, une défense contre les expulsions, et donc il y a une solidarité de quartier qui se met en place. Et c'est des structures, donc des organisations autogérées qui sont des points de référence, vraiment qui sont là depuis longtemps. Et donc du coup, il y a une partie des mouvements sociaux contre la gentrification, mais qui a aussi pris une part un peu réformiste, parce qu'à Berlin, il y a le mouvement qui a un peu fait le pas de suivre un peu la loi contre les loyers, un peu un plafond pour les loyers trop chers, et donc du coup, ils ont un peu été là-dedans. Mais il parle aussi de la part du mouvement, donc des luttes, où il y a une critique radicale, et il parle donc d'un côté plus offensif de la lutte, et il explique comment ça renforce aussi ces auto-organisations où les gens ils se trouvent en dehors des institutions, où il n'y a pas d'hiérarchie, où les gens ils viennent pour régler leur paparazzi et tout ça, mais ça aide aussi, ça crée un rapport de force quand ils savent qu'en fait les sociétés contre lesquelles eux ils pensent se retrouver complètement seuls, et ils reçoivent des lettres à la maison dire qu'il faut payer, il faut qu'ils vont être expulsés, etc., etc., qu'en fait qu'ils voient qu'il y a des attaques qui se font contre ces entreprises là. Et donc il va parler d'une entreprise en particulier, qui s'appelle Vonovia. Et donc en fait c'est la plus grande entreprise immobilière. Ça c'est un truc que lui il dit pas, mais ils viennent de racheter le numéro 2 qui s'appelle Deutsche Wohnen et qui est surtout actif à Berlin, où il y a notamment eu pas mal de manifs manif les derniers mois parce que ils sont vraiment connus pour vraiment demander des loyers hyper chers, de vraiment maltraiter les locataires, etc., de pas les respecter, pas respecter leurs droits, etc. Et donc en fait, Vonovia maintenant, il s'est vraiment genre puissance 2. Et donc voilà, donc cette entreprise, elle se trouve partout, dans un pays où il y a énormément de locataires. Donc c'est pas comme en Belgique, il y a vraiment le double des locataires là-bas qu'ici. Ici, il y a beaucoup plus de propriétaires. Et donc du coup, voilà, là-bas, il y a énormément de personnes qui sont, qui ont affaire avec ces entreprises. Et ces entreprises, ils ont leurs locaux partout, ils ont leurs voitures partout. Et ça, ils se trouvent, avec des attaques. Et donc du coup, lui, il parle un peu de la dynamique sociale, de comment sortir de l'isolement, comment faire le pas de l'individuel vers le collectif, où des personnes, en fait, se rendent compte qu'ils sont pas seuls face à tout ça et qu'il y a une possibilité de faire face à ces choses de manière collective. Voilà, là, on va passer à... Je donne la parole à Mathieu. Rebonjour. Donc, je suis travailleur social dans une association qui travaille sur la question du logement dans le centre-ville. Et mes collègues et moi, on souhaitait faire entendre des témoignages de personnes qui passent par notre association, des témoignages qui ne sont pas entendus, pas entendables dans les médias dominants. Et on trouvait ça particulièrement important de faire entendre cette souffrance collective qui est entendue, qui passe à travers toutes ces histoires singulières. Donc je suis très heureux de vous proposer ce premier témoignage de Fatima. Voilà. Bonne écoute à vous. Présentez-vous tranquillement. Mon histoire avec le logement, mais je commence par quoi ? Fatima, 45 ans, non 46, j'ai eu 46 ans, bon pardon, au mois de mai. Je déteste. Vous pouvez juste rappeler que vous avez travaillé dans quoi ? Je travaillais un peu dans tout. Quand j'étais étudiante, je travaillais. Parce qu'on va dire que ma madame, elle n'a jamais travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Donc, j'ai travaillé à la Ligue des Familles comme babysitter. J'ai gardé les enfants de 0 à 12 ans. Après, j'ai été vendeuse. C'était en ville, je me rappelle, des vendeuses. Là déjà, j'ai commencé à pas de chance, parce que je suis tombée sur un patron qui n'a même pas voulu me payer à la fin du mois. Mais bon, bref. Après, j'ai travaillé à, je ne sais plus c'est quelle commune, mais j'ai travaillé chez un traiteur. Après, j'ai travaillé pour une petite usine de couture, puis chez un couturier à Louise. Puis j'ai travaillé, j'ai fait tellement dans les chantiers, là, je passais les dalles et le chauffage central. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Donc, chez un traiteur, ça j'ai dit, dans la restauration, coiffeuse aussi j'ai fait. Alors, c'était plutôt pour des gens qui avaient besoin, qu'on les coiffe, qui n'avaient pas forcément les moyens. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai fait. Ben, on me demande encore, mais je peux pas le faire, c'est dans la couture. Parce que je suis assez bonne en couture, c'est mon métier de base, hein. Mais je peux plus le faire. Pourquoi ? Mes problèmes de dos, de santé. Ben, ça a été, hein, tant que, entre guillemets, j'avais la santé, mais là, elle est usée, hein. Ma santé, à force. Tu sais même pas comment je tiens debout encore. Mais vos revenus, c'est quoi ? CPS. CPS, ouais. Juste par curiosité, enfin, il vous reste combien après avoir payé le loyer pour la fin du mois ? Actuellement ou... Ouais. Okay. Oh, bah écoutez, je commence là, mais j'étais à sec déjà. Ouais, mais ça, avec le déménagement, il y a eu des frais, hein. Ouais. Mais j'étais à sec déjà il y a 3 jours. J'avais plus rien. Ouais. Mais bon, c'est quelqu'un qui prévoit quand même. En dehors de caractéristiques du logement, donc un loyer convenable, ça serait quoi pour vous ? Convenable ? Ouais. Bon, je sais pas. Bon, c'est toujours dans les alentours des 600, hein. Ça passe encore. 600, ça passe encore ? Ouais. Pense, hein. Ouais. En fonction de vos besoins de... Ben, il y a d'autres choses, non ? Ben, bon, moi, si on me donne un appartement gratuit, je suis contente. Ouais, ben oui. Et je dis 600, parce que c'est dans mon budget pour le moment. C'est déjà énorme, 600. Enfin, moi, je trouve que c'est énorme. Oui, 600... Je comprends ce que vous dites. En fait, 600, moi aussi, j'aimerais bien avoir un appartement de... Parce qu'il n'y a pas... De toute façon, 600, je n'aurais pas dans le privé. Hein. 600. Je n'aurais pas. Mais bon, mon ancienne voisine, c'est ce qu'elle paye pour un logement social. C'est plus comme avant, hein, apparemment. Ça, c'est spécial. Moi, ce qui serait super, c'est avoir une ligne de temps avec Mais s'il y avait moyen d'avoir un récapitulatif de tous les apparts et de... Je vais commencer par le logement qui m'a fait le plus souffrir. C'est le logement que j'ai eu au rez-de-chaussée qui était insalubre. Okay. Et ça, j'avais mes deux filles. Donc, il y avait la grande qui avait à ce moment-là... Elle avait 8 ans, je pense. Et la petite qui avait 5 ans. Non, parce que la petite, je suis sûre qu'elle avait 3 ans. Okay. Et ils ont 3 ans de différence. Donc, la grande, elle avait 6 ans. Et là, j'avais un propriétaire qui m'harcelait, qui ne faisait pas les travaux. Il y avait l'appartement qui est devenu catastrophique. La moisissure, et bah oui, parce qu'il n'y avait pas d'entretien dans cet appartement. Et vous payez combien pour cet appartement ? Je paye 630. Et c'était 3 pièces en enfilade. C'était même pas. Pour lui, c'était un 2 chambres. Pour moi, c'était un. C'était 3 pièces en enfilade. Sans les charges, hein, je suppose. Avec les charges, mais. Ouais, avec les charges. Ok. Mais je pense que c'était un rez-de-chaussée commercial. Hein. Je pense pas que c'était fait pour un appartement. Il n'y avait pas de fenêtre dans une des pièces. Il y avait il y avait une chambre, c'était une espèce de couloir. Voilà. Et je me faisais harceler par lui. Je comprends pas, pour son loyer. Parce que je pense qu'il stressait, parce qu'il savait qu'il faisait des erreurs. Mais j'ai toujours payé mon loyer, donc jamais eu de problème pour ça. Mais c'était des harcèlements, c'est-à-dire s'il m'appelait tout le temps. Voilà. C'était bizarre en fait, je ne comprenais pas parce que c'était toujours les mêmes dates. Le 1er et le 2, il avait son argent et là, le 30, il m'appelait. Il vous appelait pour réclamer le loyer ? Oui. Parce que je l'ai quand même obtenu alors qu'il y avait un couple qui travaillait tous les deux. Moi, je ne travaillais pas, j'étais seule avec mes filles. Et j'ai eu l'appartement. Mais bon, c'était au final, il était insalubre et complètement humide. Voilà. Comme ça, oui. Mais je pense qu'il le savait. Il s'est dit, elle est toute seule, elle va pas me faire des problèmes. Tandis qu'un couple, bon, il y a forcément un homme, il s'y connaît, il y a eu des problèmes. Moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Je me suis défendue. Hein. Mais voilà. C'est vraiment, moi, j'avais pris ça en entendant, mais je suis restée au bout du compte 9 ans là, parce que j'ai demandé de l'aide dans les logements sociaux. J'étais inscrite à Brudomo. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont donné le premier appartement. Après celui-là, quoi. Et vous l'avez eu au bout de combien de temps ? Je l'ai eu parce que j'ai fait déplacer, je sais plus, ce bureau-là qui envoie des inspecteurs pour constater l'insalubrité de l'appartement. La dire, voilà. Et quand j'ai eu le document, ben là, ils m'ont donné... J'étais inscrite à Brudomo et eux m'ont donné l'appartement, mais... Un troisième étage. Et donc Brudomo, c'est l'agence immobilière du CPS. Oui. Qui ont donné un logement pour moi, c'est vraiment pour que je leur fous la paix, quoi. Voilà. Avant qu'on nous donne un appartement, on galère plutôt pas mal, quoi. Et c'est très long aussi, parce que quand on fait la demande à la DIRL pour les... C'est la DIRL, hein, pour... L'insalubrité. Oui, mais pour le... avoir le document d'insalubrité, parce que ça, que ce soit social ou Brudomo, quoi, ils sont obligés de vous donner directement l'appartement. Mais ça, entre la demande, le dossier quand il est traité, la visite de l'inspecteur, et puis quand l'inspecteur est passé, qu'il a constaté, il y a encore un an qu'il laisse au propriétaire pour faire les travaux. Et par après, voilà, il y a l'amende qui tombe. Et alors à ce moment-là, ils vous disent, vous avez autant de mois pour quitter. Et à ce moment-là, voilà. Mais tout ça, c'est long, hein. Ouais, et au-delà de ça, ils ne vous donnent pas d'office un appartement pour autant. Non, ils parlaient des appartements de transit qui seront 6 mois renouvelables, 6 mois. Donc okay. C'est un an en tout, mais c'est pas un appartement fixe, quoi. C'est pas c'est du en l'entendant, quoi. Parce que c'était un bail, je le savais, de 3 ans, mais normalement, ils devaient me donner autre chose. Et ils m'ont quand même, après les 3 ans, ils ont quand même... Ils m'ont quand même fait patienter, enfin patienter, pas patienter, mais ils m'ont délaissé juste donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, pour me donner un logement à nouveau troisième étage. Okay. Alors que j'avais demandé, je leur ai donné un dossier de mon médecin, comme quoi j'avais des problèmes de santé, que je pouvais pas être au troisième étage. Et donc, pourquoi vous avez dû changer de logement ? Parce qu'on a été expulsés. Parce que c'était un bail de 3 ans et que la propriétaire voulait récupérer son bien. Donc vous êtes passé devant la justice de paix ? Oui. Ah oui, je saute des étapes. Voilà. Bah oui. Là, comment ça s'est passé en justice de paix ? Oh, super ! Ah oui, génial. Mais oui, ils sont complètement détachés de tout ça. Ils ne sont pas appliqués, ils sont pas... C'est vraiment... voilà. Ils ont, le juge a donné le choix au CPS de nous donner un logement, de nous reloger ou qu'on soit expulsé. Donc ils n'ont pas obligé le CPS à nous donner un logement. Et ils ont donné, quand vous dites eux, c'est qui? Le juge. Ouais. Bah, il a même dit de faire appel aux médias pour ça. Parce qu'avec les médias, bah, le CPS du coup bouge. Donc en gros, vous avez reçu un renom pour vous dire que vous deviez quitter le logement. Oui. Vous êtes passé devant la justice de paix. Oui. Et le juge de paix a juste demandé au CPS de vous trouver un logement ou de vous expulser. Oui, enfin, c'est pas où de nous expulser, mais c'est ce qui allait arriver. Ils ont dit, le juge a dit au CPS, vous n'allez pas expulser des gens avec des enfants qui vont pleurer. Il a fait le mime de l'enfant qui pleurait. C'est vraiment, ils ne prenaient pas ça au sérieux, quoi. C'est un cas comme un autre. Et donc après, ils vous ont proposé quoi comme logement? Là où je suis actuellement? Ouais, au troisième étage. Oui, à toi. Avec un beau quartier, je vous jure. Très bien animé. Animé. Là, votre logement actuel, c'est un combien de chambres? Deux. Enfin, c'est deux chambres Barbie. Hein. J'appelle ça les chambres Barbie. Hein. Oui, oui, c'est pour dormir. Ok, il y a un lit. Je peux pas mettre de bureau là, je peux pas mettre. Ouais, le bureau, je vais le mettre dans le salon. Et mes filles, bah, la porte, elles cognent les lits. Ok, elles sont toutes les deux dans la même chambre alors? Oui. Et ça va pour étudier et tout? Ça va être compliqué? C'est galère. Ma grande, ouais. C'est galère. Ouais. Oui. Voilà. On a fait les déménagements et tout, mais voilà, mes meubles, pour passer par cette fenêtre, c'était catastrophique. On m'a abîmé la moitié de mes meubles. Tous les déménagements que j'ai faits, je ne suis même pas au complet encore avec mes meubles et tout, parce que à chaque déménagement, je perds du matériel, entre guillemets, des meubles. Et je dois à chaque fois racheter, voilà, des pertes dans tout. Ça va pas. J'ai laissé encore quelques cartons fermés, j'arrive pas à tout ouvrir et placer. Hein. Et troisième étage, pourquoi ça vous pose un problème? Oui, parce qu'encore une fois, je donne des rapports comme quoi je suis quelqu'un de malade et que je peux pas être au troisième étage et on me donne un troisième étage. Okay. Et alors c'est ça où vous risquez d'être expulsé, donc on fait quoi dans ces cas-là? On prend ou on attend d'être expulsé? Vous faites comment par exemple pour vos courses? Je l'ai fait une fois, pardon. J'ai fait une fois et j'avais vraiment pas tout ce que j'avais besoin. Et c'était galère. Je suis arrivée en pleurant en haut. Voilà. Ou alors c'est mes filles qui m'aident, mais elles sont pas là pour. Hein. Elles m'aident, mais je veux dire, elles m'ont pas porté du lourd déjà maintenant, quoi. Elles sont jeunes aussi. Hein. Donc oui, elles sont peut-être pleines d'énergie, mais voilà, quoi. Et vous envisagez encore de déménager, alors? Je vais mettre la pression parce qu'ils m'ont dit que je suis obligée d'attendre 18 mois, mais moi, 18 mois dans cet appartement, je pourrais pas. Donc il faudra faire quelque chose. Je pourrais pas rester là. Est-ce qu'il y a ne fût-ce qu'un appartement qui, à partir du moment où vous avez vos enfants, qui vous a convenu? Non. Donc vous avez fait 8-9 appartements et tout, c'était... Non, c'est cata. J'ai jamais eu vraiment l'appartement que je voulais, que je méritais surtout, parce que j'ai pas mal galéré, j'ai déjà quand même... J'ai eu des appartements où j'avais qu'une pièce, et tout était dedans. Ouais. Mais quand j'avais pas mes enfants, moi je suis pas quelqu'un... je faisais avec. Mais après, quand j'ai eu mes enfants, j'ai trouvé que les choses étaient un peu injustes parce qu'on me donnait vraiment du n'importe quoi. Comme la fois où j'ai habité un cinquième étage, je pense que c'est là, juste un peu là, c'est celui-là, voilà, en parlant, je me rappelle. Un cinquième étage alors que j'étais enceinte de la deuxième. Et j'ai accouché, la poche s'est rompue à 6 mois et on m'a gardée hospitalisée pour que la poche s'est ressoudée après. Et j'ai accouché, elle avait 1,8 kg. Je monte des courses jusqu'au cinquième. En étant enceinte. C'est à cause de ça, vous pensez que vous avez les... Sûrement, oui. Ouais. Déjà que moi, je suis quelqu'un qui tient pas en place. J'aime bien bouger, quoi. Je veux dire, si je porte pas du lourd et tout ça, quand on est enceinte, ça va, c'est pas de maladie, être enceinte. Mais là, faire mes courses et tout, la petite, des fois, elle avait toute petite, la grande, elle était petite à ce moment-là, je devais la monter, parce que 5 étages, pour elle, c'était difficile. Là, vous êtes plus avec, vous êtes pas avec le père de vos enfants. Bon, le père de, on s'est séparés quand j'étais enceinte de la deuxième. Ok. Donc, il était plus avec moi quand j'ai la deuxième, quand j'ai accouché de la deuxième, il était plus avec moi. Et du coup, vous avez dû assumer toutes les charges pour les gosses et trouver un appartement pour vous trois et tout comme ça. Toute seule, ouais. Ok. Et avant ça, vous vous rappelez le logement que vous avez? Parce Non, parce qu'il y a Scarbé, j'avais eu un appartement là qui était bien. Même le propriétaire voulait que je reste là, mais il y a eu des soucis, on a dû partir et là, voilà. Ouais. J'ai dû partir. Donc là, j'étais à la rue 6 mois. J'ai eu la première de mes filles et là, j'ai trouvé un logement. Quand vous dites que vous êtes à la rue, vous dormiez en maison d'accueil ? Non, là, il y avait encore le papa, donc. Avant, c'était Saint-Gilles. Et à Saint-Gilles, c'était comment ? C'était là, une pièce. Une pièce. Et là, vous aviez déjà votre fille ? Non. C'est pour ça que là, je ne veux même plus pas en parler parce que, bon, après, j'étais seule, ça passait, quoi. C'était un troisième étage aussi. J'aurais dû prendre ma liste d'adresses. Après Saint-Gilles. En dernier tout triangle. La maison avait été vendue. C'est une maison avec un dépôt derrière et en dessous, et c'est connu hein, dans ce quartier-là, c'est des grossistes en fait. Et donc ça a été vendu. Ah oui, là j'étais aussi à la rue. Mon Dieu. Vous aviez déjà des enfants ? Non, pas encore. Voilà, voilà. Et donc vous êtes retrouvé à la rue ? Et c'était pas la première fois, quoi. Donc il y a plusieurs fois que vous avez perdu votre logement. Mais je suis débrouillarde, hein. Moi, quand j'avais pas mes enfants, c'est vrai que je trouvais des solutions. Mais c'est vrai que j'avais passé des fois des nuits, deux jours, des fois, très difficilement, presque le troisième jour sans dormir. Parce que j'étais dehors aussi, je dormais. Mais je m'assoupissais sur les tables quand j'allais boire un verre ou quoi pour me reposer. Et là, je me suis retrouvée, oui, dans la rue aussi. Et quoi, la période où vous étiez à la rue, c'était combien de temps à chaque fois ? Je crois que le plus long, c'était 6 mois. J'ai eu 2 mois. Et avant, j'ai des périodes... Il y a beaucoup de choses que j'ai, entre guillemets, fait exprès d'oublier. Enfin, je sais pas si on... Mais des moments très durs. Ouais, forcément. Donc les seuls moments où vous dormiez, c'était pendant la journée. C'est ça que vous dites ? Ouais, quand j'allais boire mon verre, quoi. Non, je trouvais des fois des solutions et j'allais dormir. Il y a comment on peut appeler ça, des hôtels ghetto. On paye la nuit, à l'époque c'était pas cher. 20 euros, 25 euros, on avait une chambre. Hein, mais c'était dégueulasse, mais c'était un lit pour dormir. Quoi. Et vous n'avez pas un réseau de connaissances, un réseau familial ou des trucs comme ça? Encore une fois, je dormais chez eux, hein, mais je ne suis pas quelqu'un qui m'impose. Hein, même dans la famille et tout, hein, ils sont là pour moi. Mais moi, je suis quelqu'un qui... Je n'aime pas m'imposer chez quelqu'un, même si c'est ma famille. Okay. Je suis quelqu'un d'autonome. J'ai besoin de mon... Ouais, je ne veux pas être un poids pour les autres, en fait. Ah. Et voilà, je me débrouille toute seule. Voilà, donc ça m'arrivait de dormir une fois chez ma sœur, une fois chez... Mais je peux pas... Puis ils avaient des enfants avant moi. Donc voilà, je suis la plus jeune. Donc en plus, me rajouter. Même dans ma galère, je pense aux autres. Mais bon, non, c'est vrai qu'eux, voilà, ils ont jamais dit « Non, tu viens pas chez moi », ils étaient là. Hein. Mais moi, je pouvais pas. Quand vous étiez à la rue, il y a des associations, des personnes qui vous ont aidé ? Une fois, on m'a fait m'inscrire dans tous les bureaux, me déplacer dans tous les bureaux, ramener des papiers de tous les bureaux. C'était chaque fois la même chose, quoi. Des fois, même, il y a des trucs que je devais abandonner parce que c'était trop. Trop de papiers ? Trop de papiers, ouais. Pour rien, quoi. Quand on regarde, oui, pour rien. Oui, pour rien. Vous venez vous inscrire ? Oui, mais madame, vous savez qu'il y a une longue liste d'attente, hein. On le fait quand même, hein. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à un moment donné... On se dit, on est inscrit dans quelques bureaux, on va pas faire que ça. On cherche un peu dans le privé, on cherche, voilà. Il faut vraiment avoir de la chance hein, pour les logements sociaux. Parce que vous attendez 10 ans, des fois 15 ans, c'est incroyable. Une petite conclusion ? Petite conclusion, ouais. N'allez pas chez Brudemont. I love you. bienvenue à La Cloche de Bois pour un direct un peu inédit. Et maintenant, on est au studio de Donc avec Miguel, Yanis, Cyril et Bonjour. Moi-même, Balthazar. On va commencer par un peu de musique avant toute chose. Yeah. J'avais une petite question à poser à Yanis, pour ne pas le nommer, et pour rentrer dans une sorte de sujet, et pour se rassurer aussi. Où habites-tu, Yanis ? Moi, j'habite à Uccle. D'accord, dans un squat. D'accord. Okay. Mais qui est donc ce fameux Yanis ? Qui est donc ce fameux Yanis ? En fait, vous m'avez connu il y a un petit temps. Je vivais à la rue, vous m'avez accueilli à la clé, et vous m'avez appris beaucoup de choses, et depuis, je me débrouille tout seul, mais dans mon quartier, dans ma commune, là où j'ai toujours grandi. Et, c'est quel quartier? C'est Uccle le Globe. Le Globe. C'est au Globe. Et quoi, vous avez trouvé une maison là-bas ? On a trouvé une maison là-bas, en fait, qui appartenait à la ville de Bruxelles. Ça faisait 4 ans qu'elle était inoccupée. On connaissait bien les voisins qui habitaient là depuis 6 ou 7 ans. Ils nous ont dit, voilà, la maison est vide. Essayez, testez. On a testé. On est rentré l'année passée, le 1er septembre, on est rentré dans la maison. On s'est fait expulser le 16 décembre et le 20 décembre, on est rentré dedans. Et depuis l'année passée, depuis le 20 décembre, on est toujours dedans. Et voilà. Et ça se passe super bien. On n'est que deux. C'est une maison 4 chambres. Mais on accueille régulièrement des personnes qui viennent pour une semaine, 2 semaines, parfois un mois. Et franchement, tout se passe toujours très très bien. Est-ce qu'il y avait des projets sur cette maison En fait, les projets sur cette maison, donc, c'était une maison qui appartient à la ville de Bruxelles, comme j'ai déjà dit. Et en fait, c'est une maison qui est censée être pour les sans-abri, pour les SDF. Alors que nous, on est sans-abri, SDF. Donc on a demandé si on pouvait faire un projet. On essaie de créer une SBL. On essaye de faire des projets, mais le problème, c'est qu'on n'est que deux et qu'on s'occupe déjà de pas mal de gens sur la commune d'Uccle. Et que juste à nous deux, c'est un peu compliqué de tout gérer, de faire tout, de récolter des fonds. On fait les récup, hein. Toujours, ça c'est sûr. Hein. La base. La base, les récup, mais bon... Comme je vous dis, on n'est que deux, donc c'est compliqué. Et créer une SBL, c'est difficile ? Mais oui et non, c'est pas difficile en soi, mais c'est que à deux, on a beaucoup de choses à gérer, c'est un peu compliqué. Mais oui, c'est possible, oui. Et pourquoi ce serait nécessaire de créer une SBL pour occuper une maison de vie ? Parce que comme ça, justement, ils auront beaucoup plus difficile à nous expulser, malgré que pour l'instant on n'a pas de problème. Mais si on a une SBL et si on a des projets pour le quartier et pour l'endroit où on vit, je pense que c'est un plus. Et que donc, ils nous laisseront un petit peu plus tranquille un peu plus longtemps. Ok. Est-ce que c'est des choses qui vous ont été dites explicitement ou c'est des choses que vous imaginez Non, c'est des choses qui nous ont été dites explicitement, oui. En fait, la maison dans laquelle on habite, c'est une maison qui appartient à la ville de Bruxelles. Et donc le propriétaire, c'est la ville. Et donc, on est en pourparlers avec la ville et ils nous demandent un projet pour pouvoir garder le bâtiment. Okay. Et vos contacts avec la commune d'Uccle, ça se passe bien ou, oui, très bien. Moi, j'habite la commune d'Uccle depuis mon plus jeune âge. Avec les échevins et tout ça. Oui, bien sûr. On a des contacts à la commune, on a des contacts avec tout le monde. Il faut qu'on crée un projet, un projet concret. Ça, pour l'instant, ça fait 10 mois qu'on habite dans la maison, On essaye de faire un petit quelque chose, mais comme on n'est que deux, c'est très compliqué. On est dans tous les sens. Mais vous aidez déjà pas mal de gens, quoi. Oui. C'est déjà... On aide beaucoup de gens sur Uccle. Énormément de gens. Énormément. On distribue les repas, on fait des collectes, on va voir les gens, ce qu'ils ont besoin, des couvertures, une tente, ou même prendre une douche chez nous, on peut venir discuter, prendre une douche, un petit café. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Est arrivé dans le studio. Ouais. Oui, je voulais la présenter, mais j'attendais presque qu'elle le fasse. Coucou. Bonjour Juliette. Salut Juliette. Bonjour. Désolée du retard, j'avais pas de housse de guitare, je l'ai mise dans un sac de couchage. On a toujours un sac de couchage sous la main. C'est bien. Même en été. Voilà. Pour les guitares aussi. Pour les guitares aussi. s'envoler quelques pensées dans le monde des idées. C'est si beau, ta danse dans la nonchalance. Avance, le pied sur la planche, ça court dans tous les sens. On cherche l'obsolescence à ce qui paraît c'est programmé. Les deux pieds en avant sur la planche, le sourire au coin d'un verre. Tout le monde se déhanche, allez les rouges, allez les jaunes, allez les verts. Déjà dans le déclin, en face de l'hiver. Est-ce que la télé parle des mal nourris, des mal logés? Ah oui, c'est vrai, il va y avoir des avalanches d'émigrés. On parle de place pour tous, de place assise. Nos points de vue se chevauchent et se croisent. Certains se toisent, vus de dessus, vus de dessous. Ça n'a aucun sens. On a tous la chance de pouvoir voir dedans. La force et le pouvoir, non de l'importance. Que dans son partage des connaissances. Paul, bonjour. Enchanté. Tu parlais d'hébergement d'urgence comme quelque chose qui se pratique beaucoup dans les occupations. Et moi, ça m'a donné envie de parler de parfois la pression qu'on peut se mettre en tant qu'occupant d'un lieu temporaire. Donc on se rend compte aussi souvent de la chance qu'on a. Et on a envie d'en faire profiter d'autres gens. Et puis, ce n'est pas les demandes qui manquent. Généralement, on connaît ou on rencontre au fur et à mesure beaucoup de gens qui cherchent un toit, une chambre pour quelques jours, quelques semaines ou durée indéterminée. Et voilà, on est dans cette position de lieu collectif qui doivent répondre oui ou non. Et je trouve ça pas toujours facile. Ça, c'était un des sujets que moi, j'avais envie d'aborder. Et comment pas s'en vouloir quand on dit non et comment dire des vrais oui auxquels on consent vraiment. J'ai envie de te dire, hein, moi, c'est au feeling. On dit oui, moi je dis oui à tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Mais si ça se passe pas bien, je suis désolé, tu dois partir. Si la personne ne comprend pas, on ne met pas vraiment de règles, hein, nous. Mais il y a deux, trois mini-règles. Comme par exemple, on ne fume pas dans la maison. Ben, s'il ne veut pas aller fumer dehors et qu'il veut fumer dans la maison, ben, déjà, ça fait un point en moins. Et ainsi de suite. Et donc, voilà, il y a quelques mini-règles, quoi. Voilà, il faut aider un peu à ranger, à faire un peu de ménage. C'est normal. Des choses simples de la vie, mais qui sont... voilà. Et si on ne le fait pas, ben, ça met des mauvais points. Et donc, tu dois partir plus vite de la maison. Ouais. Mais, en général, on accepte tout le monde. Okay. Pour une durée indéterminée, enfin, on ne sait pas. Même nous, on ne sait pas combien de temps on va rester dans le bâtiment. Hein. Peut-être que demain, on est parti. Hein. On ne sait pas. Hein. Donc voilà. Mais oui, mais en général, oui, on essaie d'accepter tout le monde. On laisse une période d'essai de quelques jours, une semaine. Mm-hmm. Parfois un peu plus longtemps, si ça se passe bien. Okay. Et puis en général... les personnes finissent par trouver une solution et finissent par, par partir. Okay. Comme le dernier qu'on a hébergé, un Anversois, il est resté chez nous pendant un mois. Mais ça se passait très bien avec lui, on n'a eu aucun problème. On a hébergé une mère de famille qui célibait, elle était enceinte, elle avait déjà un enfant de 1 an et demi. Elle est restée pendant 1 mois et demi chez nous. Mmh. Et puis voilà, après, elle a trouvé une solution, elle est partie. Et... tant que ça se passe bien, ça va. Si okay. Ça se passe mal, on est obligé, on n'a pas le choix. Hein. C'est, malheureusement, c'est comme ça, mais si ça se passe mal. Obligé de mettre des limites, quoi. Oui, on est obligé de mettre des limites, oui. C'est normal. J'ai l'impression que c'est des situations qui sont éducatives pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une question de... dominant-dominé, justement, c'est confronté ensemble à la même situation, qu'est-ce qu'on fait ? Et vu qu'on n'est pas des experts, des travailleurs socio-professionnels ou autres, on s'engage parfois dans des choses qui sont plus compliquées que ce qu'on peut attendre avec sa, entre guillemets, bonne volonté, quoi. Gérer des gens qui ont vécu des situations traumatisantes, des situations sanitaires difficiles, le rapport aux consommations, peut-être parfois la violence, c'est... C'est éducatif pour tout le monde, quoi. C'est ça, t'es pas nécessairement armé, comme tu dis. Non. T'es pas un assistant social, un psychologue ou quoi, donc... Nous, on est des services compétents, hein, parce que les services compétents, ils font rien pour nous, hein, je vais te le dire. Non, mais c'est vrai, au final, c'est nous, on aide beaucoup de gens, et on fait leur travail. On fait leur travail. Moi, écoute, je suis au CPS de Uccle et je fais leur travail. C'est ça. Je fais leur job. Moi, je suis sur le terrain tous les jours et je vais aider les gens tous les jours sur le terrain. Ce qu'eux ne font pas. Elles ne vont pas les aider. Non. Et moi, je les amène vers là où ils peuvent trouver des solutions parce qu'eux ne les aident pas. C'est dommage à dire, mais... on nous aide pas, on nous conseille pas, on fait rien. Et si toi tu ne le sais pas, tu restes dans la galère. Et bonne chance, ta chance. Ouais. Je... Et si tu tombes sur quelqu'un comme moi ou comme ici mes amis, ils vont t'aider, ils vont trouver des solutions, ils vont te diriger vers et ils vont te montrer comment ça se passe et après voilà, c'est la débrouille. Nous on se débrouille tout le temps, on fait que se débrouiller et on s'en sort. C'est ça. J'ai l'impression qu'en plus d'avoir un moment peut-être eu besoin de bénéficier d'un soutien, il y a aussi une dynamique de rendre. Ben oui, bien sûr, oui. Tout à fait. Au-delà de l'autonomisation, c'est permettre d'autres personnes aussi de s'autonomiser, de se remettre. Mais vous montrez les solutions, après c'est à nous de le faire ou pas. Vous montrez comment se débrouiller, et puis après c'est à nous de le faire. Et moi, vous m'avez bien appris, hein. Honnêtement. Merci les gars. Merci les gars. Merci. Non. Est-ce que peut-être on pourrait parler des limites aussi parfois dans l'engagement ? Ou des limites qu'on a pu ressentir dans ses propres engagements, est-ce que... Ouais. Oui. Oui, moi, je veux pas rentrer dans Juliette, mais... Salut. Je peux pas m'empêcher de... De poser la question. De pointer la question vers toi. Parce que du peu que je sais, en tout cas, j'ai eu des échos de moments où t'avais plus difficile... Enfin, vas-y, dis-le toi-même. Je pense que j'avais ce que je veux dire. Difficile. Écoute, le truc, c'est que moi, c'est différent. J'ai pas vécu... Enfin, j'ai vécu dans des endroits où j'aidais des personnes en même temps. Mais ça s'est souvent assez bien passé. Mais là, récemment, pendant le confinement, ensemble, on a pu voir un lieu qui s'est ouvert à la base pour un groupe de 50 personnes. Et on s'est porté volontaire pour faire la négociation. Et du coup, d'abord de manière totalement anonyme, mais quand on fait une vraie négociation, après, il y a un visage, on se retrouve entre 2, 3, 4 personnes à réellement se rencontrer, réellement discuter et réellement s'engager aussi à rester en contact et à suivre la situation. Et du coup, ce lieu était pour 50, mais après, il est devenu pour 90, pour 100, pour 120, pour 160, pour 170 et finalement 200 personnes. Et ça, c'était pendant le confinement. Et le truc, c'est qu'une fois qu'un propriétaire ou un bourgmestre ou, a identifié une personne de contact, en l'occurrence, c'était moi, du coup, tu ne vas pas te barrer parce que c'est un peu important de rester dans la communication parce que toute situation, en fait, elle dégénère quand il y a absence de communication. J'irais même plus que de confiance parce que la confiance, c'est quelque chose qui... se discute et puis on peut aussi pas se faire confiance mais quand même dialoguer, quand même faire quelque chose ensemble par rapport à, par exemple, entre un propriétaire, un occupant, un responsable, n'importe. Donc au-delà même de la confiance, c'est le dialogue qu'il faut maintenir. Parce que sans dialogue, alors, c'est la porte ouverte aux grands moyens. Parce que de toute façon, si on ne le fait pas maintenant, on le fera de toute façon dans 2 mois ou 3 mois. Donc, c'était important de rester en dialogue. Et donc, là-dessus, et puis, au-delà de ça, oui, même la rencontre avec les occupants et leur détermination à essayer que ça se passe bien, malgré le fait qu'ils étaient 200 et qu'il y avait 4 toilettes ou 5. Et donc, ils ont été incroyable. Donc pareil, là aussi, une fois que tu es en contact et que tu es en dialogue avec eux, il faut pas arrêter. Donc voilà, moi c'était plus dans la durée en fait que j'ai trouvé une difficulté à un moment donné de tenir vraiment à garder ce dialogue et le dialogue qui doit se passer en fait entre les occupants, les bourgmestres, la région, les associations qui viennent et les propriétaires. Tant qu'il n'y a pas une solution qui peut être trouvée, il fallait absolument que toutes ces personnes continuent de dialoguer, mais il s'avère que un cabinet ne discute pas avec un occupant. C'est très dommage parce que ça réglerait pas mal de problèmes s'il y avait un vrai dialogue entre les gens. Quoi. Donc des fois, il faut des personnes intermédiaires. Et donc, moi, je me suis retrouvée dans ce cas-là. Et c'est vrai que sur la durée, c'était compliqué. Mais bon. Excuse-moi, Juliette. Est-ce que tous les occupants parlaient français ? Ah oui, t'as raison. Alors, français non, mais anglais oui. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens parlaient anglais. Et y a tous les gens concernés dans la négociation maîtrisaient l'anglais aussi. C'était le confinement, donc c'était des réunions en visio, donc sur un écran. Mais j'ai invité plusieurs fois des personnes qui résidaient là-bas à venir voir. Mais après, il y a un truc où ils n'osaient pas prendre forcément la parole, mais bon, c'était chouette qu'ils voient, quoi, tu vois. Mais c'est vrai, il y a la question de la langue, des fois. T'as raison, ouais, ouais. C'est parfois compliqué. Ouais. Tout à fait. Mais moi, j'ai trouvé, par exemple, il y avait cette expérience-là. Il y en avait une autre aussi avec un groupe de 50 personnes et un propriétaire privé. Et en fait, le moment où il a fallu restituer le bâtiment, le propriétaire avait hyper peur, évidemment, qu'on ne parte pas à temps, que ces travaux ne puissent pas commencer et qu'on ne vide pas le bâtiment. Et ben, il a suffi d'expliquer vraiment la vraie situation et aux occupants et aux propriétaires pour que tout se passe trop bien, quoi. C'est-à-dire que les occupants ont aidé à vider, ils ont aidé à tout nettoyer, ils sont pas tous partis, même s'ils n'avaient pas trouvé de solution tous, parce qu'ils avaient compris que le propriétaire était de bonne foi, que son planning était réellement là, parce qu'ils avaient toutes les infos, et que, voilà, donc la communication, c'est vraiment un truc énorme. Mais oui, énorme. C'est primordial. Bien sûr, c'est le plus peut-être t'en fais peut-être l'expérience aussi, Yanis, oui, en discutant sûr. Avec la commune, en disant tout d'un coup ils te font confiance. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent avec toi. Ben oui. Et donc, c'est vrai. Mm-hmm. Ça c'est important. Ouais. C'est mieux que le silence. Ouais. Mais donc oui, par rapport aux limites, je pense que clairement il faut pareil, exprimer quand on est dépassé. Et là aussi, les gens sont capables de l'entendre, je pense, de toutes parts. Ouais. Et est-ce que vous êtes capable d'entendre qu'on est en train de dépasser les limites de l'émission ? Ah, non. Ouais, mais... Alors, il reste 5 minutes. Déjà. Il crie au loup alors que le loup n'est pas encore là. Mais... Ouais. Je l'ai vu toquer à la bergerie. En tout cas, les amis, c'était très cool de passer la soirée avec vous. Clairement. Enfin, ouais. Pareil, ravi. Oui, tout à fait, très belle expérience, merci. Merci, merci à vous, merci Radio Panique. Merci Arthur à la technique. Oui, Arthur à la technique. Arthur. Et pour faciliter la transition vers la suite, on propose une musique de Nadia Rose, dont je ne sais plus le nom. Allez, ciao ciao. Ouais, bonne soirée à tous. Guess who's back? But you never left. Yes, I did. I rose from the dead, and now I'm here to kill them with flows and some punchlines that'll go over your head. Turn back, I'm a portion ahead. I'm your worst nightmare, stood over your bed. So them girl try call me, but I smell defeat like a hole in your crap. Wow, she's sick and she's bad. She sings and she raps, she shit and she's whack.